Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui n'a jamais manqué de détermination. Un homme qui, après plusieurs années, publie encore avec autant de passion qu'à ses débuts. J'ai nommé André Lejeune, créateur et directeur du fanzine Horrifique. Bonjour André. Salut Christian. Je me souviens t'avoir rencontré à quelques reprises à Montréal, lors de congrès de SF, à l'époque où je publiais tantôt. Nous arrivions à l'endroit où se tenait le congrès, toi avec tes exemplaires d'Horrifique, moi avec mes tantôt. Ça remonte dans les années 90. Horrifique est-il toujours en activité? Oui, Horrifique est toujours en vie. Tu en as à quel numéro? Je vais sortir mon numéro 72 la semaine prochaine. Wow! 72? Pfiou. Quand as-tu sorti le numéro 1? Horrifique a vu le jour en janvier 1993. Tu te souviens de ce qu'il y avait au sommaire? Dans Horrifique numéro 1, on pouvait trouver le chalet de Claude Bolduc, la petite limace de Daniel Cernin, dératisation de Françoise Urbaine-Méninger, suivront les révélations de Richard Vienne, torture cauchemardesque par Eddie Silberbinski, alias Double Z. On pouvait trouver aussi l'affaire Charles Lextorroy, un article de M. Philippe Marlin, et aussi un faux courrier des lecteurs que j'appelais les griffes de Toucloulou. Horrifique, comme le nom l'indique, se spécialise dans la littérature d'horreur. Qu'est-ce qui t'a inspiré un zine sur ce thème? Horrifique se spécialise dans l'horreur, mais j'ai beaucoup publié dans le domaine du fantastique. Moi, l'horreur, c'est une passion qui remonte à mon enfant. J'ai grandi avec les émissions comme Twilight Zone, Au-delà du réel, puis Le voyage au fond des mers, cette panoplie de séries télévisées de l'époque des années 60. Tout comme mon héros d'enfance, Ultraman. Oui, Ultraman. Puis j'aime lire les histoires d'horreur, tout comme j'aime regarder des films d'horreur. Je me voyais mal à l'époque publier un fanzine qui publie des histoires de n'importe quoi, du mainstream ou de la science-fiction, à condition que la science-fiction soit horrifique, comme le style les films Alien. Qu'est-ce qui te motive à poursuivre après toutes ces années? Ce qui me motive le plus, disons que c'est ma grande passion pour l'horreur. C'est d'avoir le fanzine le plus vu au Canada. C'est d'avoir le fanzine également au plus grand nombre de numéros. À ma connaissance, il n'y a pas un fanzine canadien qui a eu un nombre égal de numéros d'Horrifique, comme Horrifique. C'est aussi d'être borné et dire à tous ceux et celles qui boycottent Horrifique depuis de nombreuses années que j'ai pas besoin de leur soutien pour continuer ma grande aventure. Je me débrouille très bien tout seul. C'est une œuvre de passion, quoi. Quelle est la chose dont tu es le plus fier dans Horrifique? Ma grande fierté en tant que fan éditeur, c'est d'avoir publié des textes de jeunes auteurs qui en étaient à leur début, qui aujourd'hui sont devenus de grands auteurs. On pense entre autres à Mademoiselle Natacha Beaulieu. J'ai eu le privilège de publier 12 nouvelles d'elle, je crois. J'ai eu aussi M. Claude Bolduc, une dizaine de nouvelles de lui aussi. J'ai même d'ailleurs publié aussi Michel G. Levaille. Du côté de la France, j'ai M. Gilbert Galine, alias Gilbert Gall, très bien connu en France. J'ai aussi M. Alain Lebuzy, qui récemment est décédé. Ce qui est plaisant aussi, c'est de temps en temps qu'il y ait un écrivain professionnel qui nous passe un texte à l'occasion. C'est très, très bien apprécié pour les fans éditeurs. Indeed. Et la moins fière? Oui, il y en a effectivement quelques-unes, mais ça fait partie de mon passé maintenant. Je suis pas intéressant d'en parler en public. Décris-nous un numéro type d'Horrifique. Qu'est-ce que contient en général le numéro d'Horrifique? Des nouvelles, des dossiers? En général, on peut trouver dans un numéro d'Horrifique le côté fiction, article, critique, bande dessinée, information, illustrations, portfolio. Puis à l'occasion, je publie des numéros spéciaux, comme un numéro spécialement consacré pour un écrivain professionnel, ou bien des numéros thématiques, comme vampires, zombies, femmes de l'étrange, etc. Peux-tu nous nommer quelques auteurs que tu as publiés au cours des ans? La liste est beaucoup trop longue. En 17 ans, j'ai publié un grand total de 275 nouvelles. Que contiendra le prochain numéro d'Horrifik? Dans mon prochain numéro, on va trouver deux nouvelles du côté de la France. Le jeune auteur Christophe Nicolas, ainsi que Charles Peterson. On va trouver aussi une magnifique bande dessinée de Mademoiselle Adeline Lamarre. Et une critique du remake du premier Halloween fait par un jeune homme de Chicoutimi, Éric Maltin. Comment peut-on se procurer Horrifik? On peut se procurer Horrifik seulement par abonnement. Et il suffit pour cela de m'envoyer un courriel à chatonheureux@hotmail.com. J'ai bien dit chatonheureux. C'est cela. Et puis l'abonnement, c'est 20$ pour 4 numéros. Veux-tu ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais profiter de l'occasion pour parler de mes 3 fanzines lovecraftiens que j'ai créés en l'honneur de mon écrivain préféré, Howard Philip Lovecraft, et de son magnifique mythe de Toulouse. Les fanzines avaient pour nom les cauchemars d'Arkham, qui a eu à lui seul 10 numéros. Il y a eu aussi les archives de Kadath, qui a eu 2 numéros. Et puis, Horreur de Dunwich, qui a eu un seul numéro. Les 3 fanzines ont eu une courte durée de vie. J'ai dû abandonner l'aventure car j'avais pas assez de matériel. J'ai trouvé ça bien triste, mais faut être réaliste aussi dans la vie. Et soit-y en passant, ces 3 fanzines-là, ça a été les premiers officiellement consacrés à Lovecraft au Canada. Ça fait que j'en suis fier. Il y a de quoi. Merci André. Et longue vie à Horrifik. C'est moi qui te remercie, Christian, pour cette magnifique entrevue que j'ai eu plaisir à faire. C'était André Lejeune, le directeur du fanzine Horrifik. Outre les auteurs qu'il a lui-même mentionnés et qu'il a publiés dans son périodique, j'ajouterai, parmi tant d'autres, Cartier Jones, Joël Champetier, écrivain, scénariste et rédacteur en chef de la revue Solaris, Gilles Dumay, écrivain professionnel, il signe également Thomas D., entre autres chez Gallimard, Mathieu Fortin, écrivain québécois, il a publié 2 livres en 2010 aux éditions Coup de tête et Aussi brume, Serena Gentilhomme, originaire de Florence, il signe le roman Prime Time avec Claude Bauduc, paru chez Interquelsia en 2008, Pierre Lacroix, illustrateur de grand talent, Michel Laframboise, auteur de bande dessinée et de romans jeunesse, elle signe les séries Les Voyages de Jules Verne et La Quête du Chasse, parues toutes deux chez Mediapol. Pierre-Luc Lafrance, écrivain québécois, auteur de 6 romans jeunesse dont L'Ombre de la Bête, paru en 2010 chez Zélé. Hugues Morin, nouvelliste, anthologiste et grand voyageur, il a signé en 1997 l'ouvrage consacré à Stephen King chez À lire. Jean-Pierre Planck, écrivain et journaliste français, Jonathan Reynolds, jeune auteur québécois prolifique qui a publié 2 livres en 2010, Laurine Spener, illustratrice et auteure, elle a signé avec Alain Bergeron un ouvrage consacré à The X-Files en 1999 chez À lire, et Jean-Louis Trudel, écrivain, rédacteur, traducteur, critique, professeur, Jean-Louis doit avoir toutes les cordes du métier à son arc. Il a publié chez Fleuve Noir, chez Mediapol et ailleurs. Horrifik a également publié des entrevues avec des auteurs dont Natacha Beaulieu, Claude Bauduc, Christian Bourguignon, Sébastien Bermez, Joël Champetier, Gilbert Galerne, Willy Favre, Marc Godard, Isabelle Grondin, Jess Kahn, Hugues Morin, Stanley Péan, Francine Pelletier et Daniel Cernin. André a précisé que l'abonnement était de 20$ pour 4 numéros. Ça, c'est pour le Canada. Le tarif est de 25$ pour les États-Unis et de 30$ pour l'Europe. Pour plus d'infos sur Horrifik et les autres publications d'André, je vous invite à consulter son site internet à horrifik.tripod.com/index1.html. Je rappelle son adresse de courriel, chatonheureux en un seul mot, @hotmail.com. André est également présent sur Facebook. Mentionnons enfin que vous pouvez entendre et réentendre toutes les émissions d'Espace-Temps sur le blog de la web radio à www.audiolibris.net. Merci de votre attention. À bientôt.